Vous écoutez Radio Show Football, la Banda Baggio, l'émission 100% foot, présentée par Gabi et Nico. Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. Tête et but, fabuleux. Avec Gourcuff, oh, oh, deux fois, oh, exceptionnel. Neymar, la concentration, la frappe de Neymar. Quel but! Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast La Bande à Baggio. Avec moi ce soir, j'ai Gabi. Salut Gabi. Voilà, salut Nico, salut à tous. Et puis on va revenir donc sur la semaine footballistique. On va parler un petit peu de la Ligue 1, on va parler aussi de la Ligue des Champions. Et on a appris aujourd'hui, là, il y a quelques minutes, hein, Cristiano Ronaldo qui a remporté le Ballon d'Or France Football. Bon, enfin, pas de surprise, hein, de toute façon, c'est mérité. On va pas en parler des heures et des heures, mais voilà, c'est mérité, il y a rien d'autre à dire de toute façon. À noter que Mbappé finit 7e au classement grâce à sa bonne saison en Champions League avec l'AS Monaco l'année dernière. Il sort de nulle part Mbappé finalement parce que il était vraiment méconnu sur la scène européenne et grâce à la demi-finale européenne, bah il finit 7e. Ah, et puis regarde bien, on le connaît, c'est vrai qu'il a fait que 6 mois à peu près de championnat l'année dernière. Hein. Il n'a pas fait toute la saison entière. Au début de l'année, il n'était pas titularisé. Il a dû faire 6 mois à peu près de championnat mélangé avec la Ligue des Champions. Bah écoute, c'est honorable, hein, pour un gars qui vient juste de commencer d'être 7e dans la liste. Ouais, largement honorable. Largement honorable, hein, je crois que c'est du jamais vu, je pense, hein, je sais pas, mais c'est une grosse performance, ouais. C'est une grosse performance. Voilà. Voilà, c'était une petite aparté sur ce Ballon d'Or France Football. Attention, parce que maintenant c'est plus le Ballon d'Or FIFA, hein, maintenant c'est encore on repart comme avant en fait, hein, c'est Ouais, tant mieux d'ailleurs. Voilà, parce que bon, là il y a les critères sont moins sponsorisés. Voilà. Exactement. Exactement. On va parler de la Ligue 1 qui s'est jouée vendredi, samedi et dimanche dernier, si je ne dis pas de bêtises. Nous étions à la 16e journée et il y a eu un cataclysme dans ce monde de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a perdu et face à Strasbourg. Défaite de Paris 2-1. Alors Paris qui a vraiment été qui a pas été bon du tout en fait, hein. Ils ont marqué un but mais ils en ont loupé beaucoup. Il y a peut-être eu un manque de réussite aussi. D'ailleurs bah tu vas nous en parler de cette défaite de Paris. Je peux pas dire que c'est inquiétant, c'est la première de la saison, mais pour toi qu'est-ce qui allait pas cet après-midi là? Qu'est-ce qui allait pas? Bon, déjà, cette équipe du Paris Saint-Germain, l'entrée de match, en fait, ça m'a rappelé un peu la période hivernale qu'on connaissait au PSG il y a peut-être plus de 10 ans, quand il y avait beaucoup de joueurs d'origine africaine et brésiliens sur le terrain et malheureusement qui supportaient pas l'hiver. Faut dire la vérité, ça a un peu joué. Après, c'est pas la seule raison. La raison principale, malheureusement, c'est encore une fois Unai Emery qui manque d'intelligence tactique sur des matchs assez simples à mettre en place. Il donne les clés du match à 3 attaquants et finalement le reste c'est un fouillis total. On voit un milieu de terrain complètement dépassé avec Rabiot, Verratti qui est pas du tout en forme. On va en parler du Bayern plus tard aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont pas au Paris Saint-Germain au niveau mental, j'ai l'impression. Pas mal de joueurs qui arrivent pas à se remettre en cause. Bon, on a eu un Di Maria qui a été sur le terrain à Strasbourg, qui a pas forcément fait les bons choix. À chaque fois, il arrivait à se créer deux occasions devant les buts, mais jamais, on va dire, une frappe dangereuse ou une passe dangereuse pour un coéquipier. On sent un Di Maria vraiment en dedans. Sinon, moi j'ai trouvé une bonne note pour Mbappé. Mbappé toujours un peu plus motivé que les certains autres, on va dire. Neymar qui choisit ses matchs, clairement quoi. Ah, oui. T'as pas cette impression là que si, Neymar. Bah, non mais moi le comme tu dis, le meilleur joueur qu'il y a eu, c'est Mbappé. Il a beaucoup été critiqué parce que c'est vrai que le début de saison, il est peut-être pas formidable pour Mbappé, mais bon, c'est lui qui a marqué en plus. Ça, je pense que ça va lui redonner un petit peu le moral. Mais Neymar, ben voilà, c'est ça, c'est je choisis mes matchs. Peut-être que Strasbourg, pour lui, c'était pas assez huppé. Pour lui, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même, pour un mec qui coûte 222 millions d'euros, je trouve que c'est un petit peu limité quand même, quoi. Hein. C'est pas très respectueux pour les adversaires. Je sais pas, hein. Oui, comme je disais, c'est peut-être pas assez respectueux pour les adversaires de faire des prestations comme ce qu'il fait Neymar, quoi. Ouais, c'est sûr que Neymar, il joue un peu par intermittence. On a vu Strasbourg qui a joué les coups offensifs aussi à fond. Ouais. Ils ont eu deux occasions et ils ont profité du fait que la défense jouait très très haut. Il y a eu le deuxième but de Strasbourg qui vient alors que je crois que le PSG jouait une attaque sur une suite de coups francs ou d'un corner. Et il y a une contre-attaque hyper rapide et il fusille le gardien sous la barre. Areola, encore une fois, je trouve qu'il laisse un peu facilement rentrer les ballons. Ouais. Sur le premier but qu'ils se prennent, il y a un coup franc. Tu sais, le coup franc, il y a une tête. Du Strasbourgeois tout seul dans les 16 mètres, ils jouent mal leur jeu, ou je sais pas exactement ce qui se passe dans leur tête. C'est un peu hallucinant en fait. Je trouve qu'il y a un manque de concentration, un manque de motivation, un cafouillis incroyable au milieu de terrain. Et ce qui m'a vraiment agacé dans ce match-là, c'est de voir qu'à la fin du match, certains joueurs ont dit c'est un accident, c'est pas grave, ça va nous servir de leçon pour Munich. Et finalement, Ah non. on se retrouve où? À Munich avec le même match. C'est ça. Voilà quoi. Moi je félicite les Strasbourgeois, tu vois, j'ai même pas trop envie de parler du PSG parce que finalement le PSG, on en parlera plus contre le Bayern. Mais c'était un avertissement et ça n'a pas été pris en compte ni par les dirigeants, ni par l'entraîneur. Ni par certains joueurs qui étaient sur le terrain, certains joueurs clés. J'ai trouvé Pastore, mais vraiment mauvais. Ah, tu Il vois a... qu'il a plus envie, Ouais. hein. Il a plus envie, Pastore, hein. Il a plus envie de jouer Ouais. pour Paris. Il a envie de partir, je pense, hein. Puis de toute façon, il a beaucoup été blessé durant sa carrière à Paris, hein, de toute façon, hein. Je sais pas combien de blessures il a eu, mais là, tu vois que c'est Ouais, il fini en a pour eu lui. Il va se sûrement un petit barrer. paquet, Il ouais. va se barrer. De toute façon, c'est pas possible. Il a plus envie de Paris, hein. Ça Bah, ils se finissent. ressent, hein. Ouais, il finissait malheureusement ses actions avec à chaque fois un petit tir dans les petits filets à l'extérieur des buts. C'était le joueur en fait qui était en dépression sur le terrain, tu le sentais. Il regardait ses coéquipiers à chaque fois qu'il ratait une action pour voir s'il allait se faire engueuler et tout le monde s'en foutait en fait. Je sais pas. Moi, Paris. En fait, je compare cette équipe-là à une équipe de solistes. Chacun fait son petit truc dans son coin, et s'il peut, il passe la balle, sinon il va essayer d'aller marquer tout seul. C'est en train de finir comme ça. C'est ça. Je sais pas si toi, tu as souvenir d'avoir joué au foot quand tu étais petit, avec des joueurs en fait qui te faisaient pas forcément confiance ou ils voulaient finir l'action. Ah bien sûr, oui, bah Tu vois ça. ce que je veux Ouais, dire? je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et là, j'ai l'impression que en fait, chacun joue pour sa gueule, et ça part vraiment dans le mauvais sens là. Là, on n'est pas loin de sortir une nouvelle fois en huitième de finale, j'ai l'impression, là, en Sortir championnat. en huitième de finale et puis perdre des matchs aisés, enfin qui devraient être aisés pour Paris. Ouais. Je sais pas les autres matchs qu'il va y avoir, mais ça se trouve, l'hiver pour Paris va être rude, je pense. Va être rude, ouais. C'est Marquinhos à la fin du match qui se prend un petit KO aussi avec un coup de coude. On voit qu'il est sonné et puis il est interviewé après le match et c'est lui qui dit justement que ça va servir de leçon au groupe d'avoir perdu ce soir. Et tu sens qu'il répète des choses en fait auxquelles il a réfléchi avant si le match allait mal se passer, mais tu sens que c'est pas sincère. Tu le sens quoi, voilà. Bah, Mbappé pareil. il y a eu Ouais. quand même eu 9 minutes d'arrêt de jeu, hein. C'est quand même Ah dingue. oui, il faut en parler ça, parce que sincèrement, pour les Strasbourgeois, je me sentais mal, quoi. Attends, t'imagines, tu mènes 2-1 et puis l'arbitre 9 minutes d'arrêt de jeu. Enfin, c'est quand même J'ai dingue. Là, pas souvenir. t'as envie de dire, mais attends, ils veulent absolument que Paris égalise, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. C'est exactement ce que j'ai pensé. J'ai pas souvenir de ça, à part pour un PSG Real en 93. Ouais. Mais j'ai pas souvenir d'un match avec 9 minutes d'arrêt de jeu. Alors, il y a sûrement eu des matchs du Barça au Camp Nou où il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu, c'est sûrement arrivé. Ouais, voilà, oui, C'est sûrement, le ouais. genre d'équipe, voilà, qui est un peu favorisée aussi par l'arbitrage. Mais là, c'était gros comme une maison quand même. C'était pas. Ouais, Mais bon, ils ont pas réussi à en profiter. Et puis bon, bah quand même, Paris a eu, a été pataud devant le but. Hein. Enfin, il y a eu beaucoup de malchance aussi. Je me rappelle plus qui frappe sur le poteau et puis ça revient sur le gardien. Le gardien, il l'arrête vraiment au dernier moment. Il sait c'est pas Pastore. Ouais, c'est Pastore, voilà. Le gardien, Ouais. il l'arrête. Il est complètement surpris de l'arrêter. Bon, il y a eu pas mal de malchance, mais il y a eu un gros manque de réussite. Et puis voilà, peut-être qu'ils y allaient un petit peu la fleur au fusil. Ils ont dit c'est Strasbourg, ils sont mal classés, on va y aller tranquille. Et puis bon, ben, ils ont perdu. Mais j'espère pour eux que ça va leur servir de leçon. Ils sont pas invincibles. D'ailleurs, ils n'ont pas battu le record de Nantes, hein, parce Ouais, qu'ils ça, étaient, ouais. ils étaient en concurrence avec Nantes 94-95. Et malheureusement pour Paris, ben, ils battront pas Nantes. Et voilà, donc j'espère que ça va être une leçon. Alors, en Ligue 1, hein, parce qu'on va revenir tout à l'heure pour le match de la Ligue des Champions, j'espère que ça va être une leçon pour eux, mais j'espère que dorénavant, Paris vont y aller avec plus de niaque, et puis voilà, parce que là, c'est pas normal de voir un match de cette qualité-là, quand même, hein. Non, c'est certain. Et puis, encore une fois, des joueurs comme Kurzawa, des joueurs comme... Enfin, je veux dire, cette équipe-là, il y a quelques points faibles qui font couler le groupe, j'ai l'impression. Il y a Ouais. Rabiot qui a le melon aussi. Enfin, il y a pas mal de Ouais, je choses. comprends pas, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est Berchiche, mauvais. Ouais. Berchiche, nul Ouais, aussi. Berchiche, ouais. Agressif, méchant, mauvais, et dans le mauvais sens du terme. Ouais. Vas-y, Mais vas-y, non, je non, t'écoute. mais non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la première fois. Il y a quelque chose, il y a la mentalité qui est pas bonne dans Paris. La mentalité, les mecs qui sont à Paris, ça y est, je suis pépère, je vais péter ma science, c'est moi le meilleur. Non, non, non, non, non. Quand tu joues dans une équipe du calibre de Paris, je dis pas que tu dois être irréprochable, mais tu dois être bon, tout simplement. Il faut arrêter de faire les chichis, voilà. Faut être bon, C'est le minimum, voilà, faut avoir faut être professionnel. du respect pour l'adversaire, il n'y en Mais a pas c'est eu. pas qu'à Paris, il y a un manque de professionnalisme dans la plupart des équipes de maintenant. Les gars, ils sont à Paris, ils gagnent des millions, enfin pas qu'à Paris, mais bon, ils sont dans un club, ils gagnent des millions, et ben ils ne restent plus professionnels. Je pense que ça leur monte dans la tête, hein. Ils prennent le melon et puis ils font n'importe quoi. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Donc, bah, première défaite du PSG. Bon, hein, ils ont encore quelques points d'avance. Hein, ils doivent avoir 8 points d'avance, un truc comme ça. Hein. Là, je t'avoue que j'ai pas le classement sous les yeux. Attends, je vais regarder ça tout de suite. Ils ont, par rapport à Lyon, ils ont 9 points d'avance. Ouais, Bon, toujours 9 ça va. points, Ils vont être champions d'automne. Je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de souci ouais. avec ça, hein. Marseille aussi a été champion d'automne une année, hein. Une année, Ça ça a n'a pas servi pas à grand-chose, servi à grand chose, non. Ils ont été non. plusieurs fois champions d'automne et puis ils ont bien dégringolé par la suite. Ouais. Ensuite, bah, il y a Lyon, hein, dimanche, qui avait battu pas dimanche, hein, c'était quand le match, c'était dimanche, qui avait battu Caen 2 buts à 1. Ouais. Lyon qui est deuxième. Bon, voilà, hein, ils avaient perdu la semaine d'avant, là ils ont réussi à gagner. Monaco qui a battu Toulouse assez difficilement, bah disons qu'il fallait pas arriver en retard à ce match-là. Hein, non, j'ai dit Toulouse, c'est Angers. Angers, Ouais, pardon. Monaco qui a battu Angers 1-0, bah, un but à la deuxième minute de Falcao, et puis après plus rien. Bon. très mauvais contenu de Monaco, hein. C'était les prémices du match à C'est. Porto. Voilà, mais c'est quand même le jour et la nuit avec ce qu'on avait vu l'année dernière, quoi. Hein, Ouais. c'est. Bon, alors oui, il n'y a plus les cadres qu'il y avait l'année dernière. Hein, ça sent, hein, qu'il y a plus les cadres, il n'y a plus la même cohésion. Puis j'ai l'impression que Jardim, j'ai l'impression qu'il sait plus quoi faire là maintenant. Il sait plus quoi faire exactement. Il est perdu. Il est perdu malheureusement. Il a l'air complètement perdu. Manque de choix aussi au niveau du milieu de terrain. Moi, je me souviens quand Joseph a parlé des recrues comme Tielemans, etc. J'étais pas forcément convaincu par ces joueurs-là. Parce que pour moi, avoir recruté des joueurs comme ça, qui n'étaient pas forcément des cadors dans leur championnat, pour remplacer des gens qui partaient comme Bernardo Silva ou comme... Enfin, je le sentais pas du tout, quoi. Je le sentais pas. Bakayoko aussi qui est parti, qui n'a pas été remplacé. Même si Bakayoko il a fait une fin de saison l'année dernière en dilettante. Ouais. Tu te rappelles, à partir du moment où il avait été sélectionné en équipe de France, il était plus bon en fait. Ouais, il avait peut-être pris un peu la grosse tête ou c'est comme beaucoup, tu leur dis ouais c'est génial et puis après ils restent sur leur acquis mais ils s'améliorent pas quoi, ils arrêtent de s'améliorer quoi, c'est ça qui est dommage. Et tu sais, regarde Monaco sans Falcao où il serait aujourd'hui, je aïe sais aïe pas. aïe. Heureusement qu'il est là encore en Falcao, hein, parce que c'est lui qui marque la plupart des buts. Hein. Ouais. Mais la Ligue des Champions s'est terminée pour eux, on va en revenir tout à l'heure. Mais attention au championnat, hein. Attention parce que j'ai l'impression que Monaco, au moment ou un autre, ils vont éclater en plein vol, moi. Je crois qu'ils pourraient ne pas se qualifier en Champions League l'année prochaine, en fait. Ouais. Malheureusement, j'ai l'impression qu'à un moment ou un autre, ça va claquer, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ouais. J'espère pour eux qu'il va pas y avoir de départ au mercato d'hiver. Parce que tu as l'impression qu'il y en a, ils veulent plus aller à Monaco, ils s'ennuient à Monaco, je sais pas, hein, mais bon. Bah déjà Lyon, dans le sud de la France, avec Marseille qui revient, Lyon, je pense que ça attire un peu plus les joueurs Bien déjà. sûr. Ouais. C'est sûr. On verra, hein. Mais bon, je souhaite tout le meilleur à Monaco, hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, ils nous ont assez fait vibrer, ça faisait plaisir de voir un club concurrencer le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ça redonnait un petit peu de peps à la Ligue 1. On les a vus faire un superbe parcours en Ligue des Champions, et ce serait dommage de voir un club comme Monaco ben, dégringoler comme ça. Ce serait vraiment dommage, quoi. Ouais, en effet. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, s'ils jouaient contre Manchester City, comme l'année dernière, là, je pense que... Ce serait catastrophique. Bah ouais, hein, voilà, ça ferait comme un contre Porto. Ouais. Voilà. On va parler de Marseille aussi, qui a fait un match à la Marseille, un match où on s'ennuie du début à la fin, qui a réussi à revenir contre Montpellier, ils étaient menés 1-0, ils reviennent sur un pénalty très, très très très très gentil de la part de l'arbitre. Ouais. Voilà, donc ils font un partout. Ils sont quatrième, Marseille. Bon, c'est moche leur match, hein. Franchement, là tout ouais. à l'heure, dans 20 minutes, ils vont jouer contre Salzbourg. J'espère pour eux qu'ils vont se qualifier pour la suite de la Ligue Europa, même si c'est pas leur objectif. J'espère quand même qu'ils vont se qualifier, mais c'est moche de voir un match de Marseille. Ça dépend des matchs. Des fois, ils vont être pas trop mauvais, et puis des fois, ils vont je sais pas, ils vont pas jouer correctement. C'est devant, c'est pas bon. Mitroglou, bah il est pas bon. Mais tu sais, Montpellier, c'était la meilleure défense, je crois, du ouais, championnat. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et finalement, c'est pas un mauvais résultat. Je pense que peut-être que certaines équipes vont pas prendre 2 points là-bas. Hein. C'est possible. Paris a fait match nul aussi là-bas. C'est toujours compliqué de battre Montpellier là-bas, de toute façon. Bon, il y avait l'excuse du terrain. Ouais, bien sûr. Il y avait l'excuse du terrain, tu sais, à une époque. Oui. Là, le terrain a été changé. Il n'y a plus rien à dire. C'est ça. Après, ce que j'ai trouvé dommage dans ce match, c'est que malheureusement, au niveau du public, pareil, les tribunes du haut, là, la tribune centrale, a été fermée. Ouais. Alors apparemment, je crois qu'il y a un projet de rénovation du stade qui était plus ou moins avancé, et finalement ils ont arrêté, ils vont construire un nouveau stade, ils ont décidé avec la mairie. Donc, mais je trouve dommage que justement les places du haut n'ont pas été affectées, ou alors peut-être carrément elles n'ont pas été vendues pour ce match. Parce que t'as entendu l'histoire, c'est hallucinant quand même. La Ligue 1, en fait, la LFP sanctionne les clubs. Exactement. T'as entendu? Oui, ils sanctionnent les clubs qui n'ont pas assez de, qui n'ont pas beaucoup de spectateurs dans leur stade. Mais ouais. C'est quand même un truc de dingue, c'est que le problème. Alors d'une, ils vont interdire les supporters de se déplacer. Ils vont dire au club faut fermer une tribune par-ci par-là parce que c'est pas réglementaire ou quoi que ce soit. De quoi ils se mêlent? C'est ça. Pourquoi? Non mais. Bon, c'est vrai que la plupart des stades sont assez bien garnis au niveau ouais. de la télé, hein, parce que quand tu regardes à Lyon, c'est pareil, hein, le dessus du stade, il est pas du tout. Bah oui. Il est pas du tout garni, mais on est loin des matchs où c'était Bastia qui recevait avec 2000 spectateurs, même pas, tu vois, dans un tout petit stade où il y avait pas grand monde. Ouais. Ouais. Hein, mais bon, voilà, mais je trouve ça ridicule leur truc de vouloir sanctionner Et que la caméra soit à tout prix sur la zone où il y a les spectateurs, Voilà, quoi. puis si c'est un club qui est en bas de tableau, qui joue mal, T'as qui pas fait les que de moyens perdre, ou de. t'as pas les Voilà. moyens de te déplacer, voilà, enfin, tu vas pas aller voir un match pour ça. Enfin bon, c'est la Ligue, hein, de Ouais, toute façon, faut pas s'étonner, hein. c'est décidé, voilà. On Voilà. marche la tête en bas, Voilà, ouais. donc les quatre premiers du classement, c'est Paris, Lyon, Monaco, Marseille. Et en bas de tableau, Lille qui remonte un petit peu, hein, Lille qui a battu Toulouse 1-0, qui est 17e pour le moment, 18e Toulouse, 19e Angers et 20e Metz. Metz qui n'y arrive pas de toute façon, ils perdent à chaque journée. Je pense que Metz, ils ont que 4 points pour le moment. Là, ils sont en Ligue 2. Enfin, ils ont un pied en Ligue 2 presque, hein, parce que franchement, la saison, la deuxième partie de saison va être compliquée, hein, pour Metz, hein. Rattraper autant de points, ce serait vraiment du jamais vu, quoi. Ouais, même 3 à une époque là qui avait peut-être 15 points, je sais plus à quel moment de la saison là, Ouais, n'avait pas et réussi à remonter. qui voilà, c'est mission impossible, mais c'est encore pire. Et ils se prennent des valises, mais c'est un goal average, je sais pas à moins combien ils sont, mais là-bas Moins tu prends des. moins 26. Ouais, tu prends des points et tu mets des buts en plus. Donc C'est ça. c'est pas 1-0 quoi. Mais Saint-Etienne aussi, ils ont fait un match nul quoi, face au FC Ils ont Nantes de marqué un très joli Ranieri. but, Ouais. mais bon, ils arrivent pas à tenir un score. Bon, j'en parle souvent avec Rétro, hein, pour lui, et moi je suis d'accord avec lui, Julien Saplé, c'est pas l'homme de la situation. Ça a Ah, été un largement pas, ouais. bon joueur, Julien Saplé, hein, un joueur très honorable de la Ligue 1. Mais ce n'est pas un entraîneur pour moi, ça, je sais pas, mais malheureusement, là, il me dit que Saint-Étienne, c'est droit en Ligue 2, mais c'est pas faux, hein, ils ont dégringolé. Ils étaient 6e, ils sont 12e là. Si ça continue, ils vont descendre petit à petit. Et ce qu'il me disait, donc là, ça va être Marseille-Saint-Étienne dimanche. Ils viennent de se rendre compte, Saint-Étienne, qu'ils peuvent pas aligner Cabella, parce que dans le contrat, c'est marqué que quand il jouera contre Marseille, il devra pas être aligné sur la feuille de match, quoi. D'accord. Mais est-ce que justement ces contrats-là, ils ont toujours lieu d'être? Parce que je crois qu'il y a une dérogation comme quoi, en fait, là, c'est une clause qui est, on va dire, qui est à l'amiable entre les Bah deux ça doit être clubs. ça, ouais, ça c'est ça. Mais le problème, c'est que s'ils veulent le faire jouer quand même, ils ont le droit, hein, légalement. Je pense que c'est une question d'agent et de commission, quoi. Je pense que peut-être après, ils devront rendre une partie d'une Ouais, il y a commission peut-être qu'ils ont une espèce accordée, ou je sais pas d'amende qu'ils vont quoi. payer, ce sera pas sanctionné. Je sais pas si Voilà. c'est sanctionnable ou pas, ça doit être un accord entre les deux clubs. Ouais, je sais pas, je sais pas, tu vois, là c'est une bonne question, savoir si c'est un accord entre les deux clubs, ou si c'est un truc que la Ligue a approuvé, que s'ils font jouer le joueur, ils sont sanctionnés. Ça, Non, mais à je... mon avis, ça c'est un truc que la Ligue ne peut pas gérer ou sanctionner. Oui, C'est pas sûrement, ouais, possible, pas sûrement. possible. Je sais Non, mais pas. c'est vrai que Saint-Etienne, là, pour avoir revu le résumé du match, ils ont marqué sur une frappe de Pajot d'assez loin. C'est pas une action collective, encore une fois. Ah oui, non, c'est sûr. Voilà. Nantes a bénéficié du fait aussi que les tribunes de supporters des virages soient fermées. Après, peut-être aussi Saint-Étienne avait ça a peut-être arrangé certains joueurs de Saint-Étienne qui ont la pression énormément pendant certains matchs, vu qu'ils ont du mal à gagner. Et je pense que peut-être le fait que certains supporters soient pas là, ça leur a peut-être mis moins de pression et ça les a un peu libérés. Ouais, Ils ont, peut-être. mais faut voir. Je sais pas comment psychologiquement ils sont Saint-Étienne, certains joueurs. Ils sont pas faits pour la Ligue 1, certains, de toute façon, ça c'est Ouais, sûr. ça, ouais. Et avant de quitter la Ligue 1, on va aussi parler de Bordeaux, hein, qui a perdu contre Dijon. 3 buts à 2. Alors Bordeaux qui avait commencé à faire un début de saison pas mauvais, puis là, ils sont en train de dégringoler. C'est quand même. Enfin, voilà. On connaissait Bordeaux, hein, il y a plusieurs saisons qui font ça, et là ils continuent chaque année. Ils commencent pas trop mal le début de saison, puis après ils dégringolent, quoi. Donc c'est catastrophique pour Bordeaux. Et pourtant, hein, c'est Malcolm, hein, qui a marqué un but exceptionnel. Par contre, celui-là, il va faire partie des plus beaux de la saison. Il menait 2-1, hein, il menait 2-1 en plus Ouais, à ce exactement. moment-là. Et puis bon, après, voilà, ils sont rattrapés, et ils perdent 3 buts à 2 face à une équipe de Dijon bah, qui aime bien jouer les équipes plus fortes qu'elle, quoi. Décidément. Ouais. Ben, en plus, Bordeaux, la semaine prochaine, ils rencontrent Strasbourg, le tombeur du PSG. C'est ça. C'est à Bordeaux, heureusement pour eux, mais... Bordeaux, franchement, t'es supporter de Bordeaux, tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette équipe, ils jouent, enfin, c'est pareil, c'est des joueurs, t'as l'impression qu'ils choisissent leur match, ils choisissent leur période, tout le match, ils peuvent pas être concentrés tout le match, ils ratent des trucs faciles, ils se font remonter à 3-2 par Dijon, alors qu'ils mènent 2-1 comme tu dis. J'ai l'impression. Je sais pas, ouais, moi, Costil, je trouve pas bon non plus. Un Costil, je trouve que c'est un gardien vraiment, il a pas le niveau. International et encore moins pour être titulaire. C'est vraiment dommage qu'à Bordeaux ils ont pas de concurrence dans les gardiens. C'est vrai. Ça se ressent. Hein. Pour moi, Areola, Costil, tout ça, c'est un peu pareil au même. Hein. C'est, comme je te disais, hein, enfin après c'est pas forcément pour Costil, mais il y a un manque de professionnalisme. Les mecs qui perdent, et ben ils sont, c'est pas grave, ils rigolent, ils sont contents. Tu te rappelles la déculottée de Bordeaux contre Paris justement, et t'as Malcolm lui qui à la fin du match. À la mi-temps même. Lui, à la mi-temps, il échange son maillot avec Neymar, il est content. Voilà, selfie, il est artisan. Il y en a, ben ils s'en foutent. Ils étaient en train de rigoler à la fin du match. Je suis désolé, mais tu perds déjà 6-1 ou 6-2, ils avaient perdu. Ouais, 6-2 à la fin. 6-2 ouais. à la fin. Ben, je sais pas, t'es triste, quoi. Enfin, t'as envie de faire mieux, non? T'en as, ils s'en foutent complètement de perdre de toute façon. Du moment qu'ils ont leur pognon à la fin de. À la fin du mois, ils peuvent perdre ou gagner, ils n'en ont rien à foutre. Et ça, c'est pas bon. Il y a un manque de professionnalisme quand même. Enfin, je sais pas, mais tu voyais pas ça il y a 10-20 ans de ça. Hein. Ah bah complètement, ouais. Mais c'est surtout quand tu vois, en fait, je crois que c'est le deuxième but, voilà, c'est le deuxième but de Dijon. Tu vois le débordement sur l'ailier gauche qui déborde le défenseur bandolais, mais comme il veut. Hein. Ouais. Et l'autre, il essaye de le rattraper en lui tirant le maillot, mais il court pas plus vite non plus. C'est ça. Mais c'est hallucinant, quoi. T'as l'impression que t'as des toulalans à chaque poste à Bordeaux, en fait. Et c'est des mecs qui sont pas en condition physique, ça se voit. C'est alors soit parce qu'ils ont joué le vendredi, ça leur a pas plu, j'en sais rien. Ils étaient pas prêts. Fallait attendre samedi. D'accord, ils jouent le vendredi, mais c'est à 20h45, ça va. C'est pas 15h ou le match le plus tôt c'est 15h ou 17h. Là, c'est 20h45. Mais comment t'expliques qu'une équipe comme ça, je veux dire comme Dijon, soit beaucoup plus motivée qu'une équipe comme Bordeaux qui a plus de moyens, soi-disant? Sur la fin du match, quoi. Dijon, ils ont senti que Bordeaux était vraiment à la ramasse. C'est ça. Ils en ont profité. Ils en ont profité. Ils ont senti, tu sais, l'odeur du sang. Et ils ont dit, on va aller claquer en fin de match. Mais le deuxième et le troisième but, c'est des copies pratiquement avec un plat du pied. Un plat du pied plus ou moins le troisième. Mais c'est vraiment significatif de joueurs qui sont pas du tout en forme physique. Et je pense que, de toute façon, à Bordeaux, il y a un gros souci déjà au niveau de l'infrastructure du. L'organigramme, à mon avis, des coachs, des dirigeants, il y a des choses qui sont pas claires. Le stade qui est pas rempli. Pour moi, ça a tout d'un club qui est en perdition, mais en fait, ils sont toujours bien placés, c'est incompréhensible. Bah, ils vont réussir à gagner quand on les attend pas, et quand on les attend, ils y arrivent pas. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si vous êtes supporter bordelais et que vous nous écoutez, si un jour vous voulez participer pour parler un petit peu de votre club, hein, n'hésitez pas à savoir faire partager un petit peu votre réaction par rapport à cette équipe de Bordeaux. Est-ce que vous en avez marre chaque année de voir une équipe ne pas jouer les hauts de tableau, dégringoler dans les toujours à un moment donné du championnat? N'hésitez pas à nous contacter, on vous passerait sans problème dans la bande à Baggio, histoire de savoir un petit peu votre ressenti sur cette équipe, parce que c'est vrai que chaque année, c'est toujours la même copie, quoi. C'est quand même ahurissant, quoi. Avec n'importe quel entraîneur, Bordeaux n'y arrive plus, quoi, maintenant. Ouais. Voilà. Bon, tu voulais rajouter quelque chose sur la Ligue 1 ? Sur la Ligue 1 ? Bah, Nice, Metz. C'est hallucinant les buts qu'ils mettent, Nice, parce que Metz, vraiment, ils abandonnent. Ils ont abandonné. Hein. Ils ont abandonné. Moi, c'est une des choses marquantes que je retiens. Je pense que là, on a assisté à un tournant vraiment pour le FC Metz. Tu sens qu'ils reviendront jamais. Mais c'était pas environ Innsberger que ça allait... Je crois que c'est même pire hein, avec Innsberger. Hein. Et pareil, en parlant de Nice, hein, le stade, il est pas plein du tout. Hein. Ouais, alors là, si la Ligue 1 veut sanctionner, il y a de quoi sanctionner. Je suis désolé, mais là, le stade, il est vraiment... Ouais. Il est vraiment... il est parsemé. Ouais, c'est sûr. Alors bon, j'espère pour eux que Nice va tomber en Europa League, tape des gros pour que faire un peu de plein dans le stade, hein, parce que franchement, certes c'est Metz, mais bon, il y a pas grand monde, hein. Il y a pas grand monde. Ouais, bah tu vois de toute manière que t'as plus qu'à Paris encore, t'as certaines villes en France où les supporters viennent au stade seulement quand l'équipe gagne ou qu'on est en haut de tableau, quoi. Après, je comprends des équipes comme Toulouse. Toulouse, il y a le rugby qui est meilleur que le football, que le club de foot. Ouais, la région veut ça, quoi. Il y a la région qui veut ça. Mais Nice, il y a, à part, il y a peut-être du volley, il y a peut-être, je vois pas. Natation. La natation. Ouais, mais bon, enfin, je sais pas, t'as pas des stades pleins. Non, voilà, mais non, il y a peut-être un désintérêt total du football à Nice aussi. Pourtant, il y avait, quand c'était au stade du Ray, le stade du Ray était plein à chaque fois, hein. Ouais, ça faisait un bon 15 000, un bon. Bah voilà. Tu vois, ça fait 16 300. Ouais, mais voilà, mais ça se trouve le stade de Nice est trop grand par rapport à ce que pouvait accueillir avant les Niçois. Ils auraient fait un stade de 20 000 places plus élaboré. Il était bien le stade du Ray, il avait son charme le stade du Rail, ouais. Pardon. Mais voilà, ils auraient fait un stade un peu plus ergonomique, un peu plus actuel. Mais pas forcément avec plus de place, je suis sûr que le stade aurait été plein. Là, ils ont fait un stade, je sais pas combien il fait le Ah, il fait un peu plus de 30, 32, 35. Voilà, par c'est là. Peut-être trop pour Nice d'un stade comme ça. De toute façon, à chaque podcast, on en parle, hein, des stades en France. Ils sont trop gros pour accueillir pour le championnat. C'est ça le problème. Voilà. Ouais. Le problème à Nice, c'est que la ville, c'est une ville assez vieillissante. Mmh. Et après, moi, je trouve dommage que t'aies certains jeunes des quartiers ou des villes qui sont pas loin, qui viennent pas au stade. Mmh. Y a peut-être le problème des transports. Je sais pas. Nous sur Paris, on a la chance d'avoir pas mal de transports, ouais, pour rejoindre la capitale dans la région. Mais Nice. Bah, je pense que les gens qui ont été en vacances là-bas comprennent un peu qu'il y a beaucoup de nationales, il n'y a pas trop d'autoroutes non plus, donc je sais pas. Ça doit être embouteillé, compliqué pour alors se garer. Il est mal ensuite placé dans la ville, peut-être. Place, je sais pas. Mais c'est dommage, je veux dire. Ils ont fait un beau stade et même quand le club marchait bien, bah finalement c'est pas rempli. Il n'y a pas beaucoup d'engouement visuel dans les tribunes, quoi. Ou alors est-ce qu'il est mal placé par rapport à ce qu'était le stade du Rail avant? Est-ce qu'il y a... Bah, je sais pas, je pourrais pas te dire. Je sais pas, jour on ait un auditeur qui nous appelle. Voilà, pareil, Nice. Si vous êtes supporter de Nice, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir de parler avec vous de votre club favori. Ouais. Voilà, donc on arrête. Bon, on s'est fini avec la Liga. On a parlé un petit peu du principal. On parlera de la prochaine journée, la semaine prochaine. Et on va arriver à la Ligue des Champions qui s'est jouée mardi et mercredi. Et donc Paris qui jouait mardi face au Bayern. Et c'est là où on attendait vraiment là ce match-là pour savoir si Paris pouvait rivaliser avec les grands. Hein, parce que le Bayern, entre-temps, ils ont changé d'entraîneur. C'est Jupp Heynckes maintenant qui est entraîneur de Bayern. C'est vrai, ouais, que depuis qu'il est revenu, le Bayern joue mieux que... quand c'était avec Carlo Ancelotti. Et on s'attendait à un match disputé entre les deux. On se disait, tiens, ça va être le premier gros test du Paris Saint-Germain. Ça a été le premier gros test. Paris qui a perdu 3-1. Mmh. Et là, je pense que tu dois avoir un gros coup de gueule envers le Paris. Ouais, j'ai eu un gros coup de gueule. En fait, j'y ai cru 5 minutes. On va dire pendant 5 minutes, j'ai cru que Paris allait faire un super match. Voilà, tu m'avais dit, ils vont violer le Bayern. Non, on va rester courtois. Non, mais sincèrement, je me suis emballé parce que j'ai vu 2-3 actions. Les joueurs de Munich étaient un peu apathiques, en fait, en défense et ils savaient pas trop comment gérer les attaques de Paris au début de match. Mais ça s'est vite retourné contre les Parisiens parce que finalement... moi, le gros coup de gueule que j'ai, c'est contre les mecs du milieu de terrain. Hein. Verratti, Rabiot, c'est lamentable, quoi. Lamentable. Ils abordent ce match un peu comme t'as dit, en rigolant, en souriant, ouais, en se prenant pour des cadors, alors que les mecs, finalement, ils ont rien prouvé en Europe, quoi. C'est hallucinant, quoi. Ils sont forts dans leur championnat, mais c'est toujours, on revient au même problème. C'est ça. T'as un manque de concentration du haut niveau. Pour moi, ces mecs-là, Deschamps, finalement, il a raison de pas prendre des mecs comme Rabiot titulaire, parce que Deschamps, il l'a senti, en fait, que ces mecs n'étaient pas encore optimal pour l'équipe de France, l'équipe nationale, et pas capable de jouer face à des grands joueurs. Moi, je suis hyper déçu, encore une fois, parce que on se retrouve contre une grande équipe où on peut montrer que, on peut confirmer, on peut montrer que Paris prétend au titre. Mais moi, je suis désolé, cette année, Paris prétend pas au titre. Et Paris prétend à aller en quart de finale maximum. C'est, je veux dire, Emery, qu'est-ce qu'il nous a fait, Emery, sur ce match-là? Il n'y a aucune tactique, aucune mise en place. Tu vois le milieu de terrain qui recule. Encore une fois, comme le match contre le Barça, le milieu de terrain fait ce qu'il a envie, en fait, pendant le match. C'est-à-dire, il balance les ballons à Neymar et à Mbappé. Et ces mecs-là, ils sont solistes. Ils sont les côtés, ils font un peu ce qu'ils veulent. Cavani a eu zéro ballon pratiquement en première mi-temps. Ouais. Il a rien touché. Alors que Cavani, tu lui mets les ballons sur la tête, dans les pieds, dans les 6 mètres. Il peut te claquer des buts assez rapidement. Neymar, il a traversé le terrain de droite à gauche en faisant des passes en retrait. Il avait pas envie de jouer. Bon, t'as pas envie de jouer. Unai Emery, tu le sors. Tu sors Neymar. Je sais pas, moi. C'est pas possible de laisser des mecs sur le terrain comme ça. Verratti, tu voyais, il avait les cernes. Il était fatigué. Et ça se voit qu'avant le match, il avait pas dormi. C'est pas possible. Il a fait la fête. ouais. Kurzawa, zéro. Défensivement, il est toujours en attaque. Le mec, il défend pas. Alors, son surnom en ce moment sur les ondes d'RMC, c'est Kurzawa. C'est-à-dire, c'est le sosie de Patrice Evra à son plus mauvais niveau. Sauf que Kurzawa, quel âge il a? Il a peut-être 10 ans de moins que Patrice Evra. S'il commence à l'envers sa carrière, Kurzawa, ça va tourner court. Non, mais si tu veux, hier, j'étais très énervé. Bon, je me suis un peu calmé, mais à froid, tu te calmes toujours. Mais c'est pas possible, quoi. Moi, je me souviens que je crois que c'est à la mi-temps. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Soit c'est un match arrangé, soit c'est... Mais tu reconnais pas Paris, parce que finalement, le premier but, tu te demandes s'il y a hors-jeu. Alors, est-ce qu'il y a hors-jeu, finalement? Alors, ou pas, parce que... écoute, non, en fait, il y a pas... C'est très, très limite. Mais alors je sais pas sur quel angle ils ont montré plusieurs angles, et sur un angle qu'ils ont montré, il est vraiment c'est limite, mais il est pas hors jeu en fait. Enfin c'est discutable, D'accord. Tu vois, c'est vrai que quand tu regardes façon dans l'action comme ça, là t'as l'impression qu'il est vraiment derrière la défense, et puis en plus t'as vu le gardien, il bouge pas, il croit qu'il est hors jeu aussi. Ouais, bien sûr. Et en regardant sur le ralenti, c'est très très limite. Il est voilà, tu peux rien dire à l'arbitre. Parce que finalement, Paris les laisse marquer deux buts, sauf que les deux buts arrivent, je crois, en 20 minutes, quelque chose comme c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas possible d'afficher des stats comme ça après avoir fait un match lamentable à Strasbourg. Tu refais le même match en ayant pris aucun conseil du match précédent avec les coachs et les dirigeants. Je veux dire, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu de discussion en fait. Pour eux, dans leur tête, c'était un accident. Ils n'ont pas compris que finalement c'était des lacunes défensives qu'il y avait. Et puis Thiago Silva, c'est pas possible. Il nous fait une blessure diplomatique là, encore une fois, comme au Brésil-Chili de 2014. Ouais, là, ça devient ridicule, hein, franchement. Sérieusement, ridicule. Ça devient ridicule, quoi. Ouais, il sort à la 72e, ouais, c'est ça. Ouais. Ça devient ridicule. Et puis finalement, on sait pas exactement ce qu'il a, donc il y a un joueur en moins sur le terrain, ils se prennent le troisième but. Est-ce qu'il arrive à supporter la pression? Mais Mich, le problème avec Neymar, c'est que pas Neymar, je fais un lapsus, tu vois. Non mais ça va arriver. Hein, c'est que Thiago Silva, il a souffert d'une tuberculose en arrivant en Europe, en fait, quand il était en Russie. Je crois qu'il a joué à Moscou. C'est Fred Hermel qui avait raconté ça, en fait. Ouais. Et si tu veux, la tuberculose, en fait, ça atteint les nerfs, en fait. Et c'est un joueur, en fait, qui a énormément de mal, en fait, à supporter tout ce qui est stress extrême, en fait. Et je pense que ça joue beaucoup. La maladie qu'il a eue, en fait, ça joue beaucoup, encore une fois. Ça a des conséquences sur sa carrière. Ouais. Et il a des réactions extrêmes dans plein de situations. C'est ça, en fait, en saison 2005, il est prêté au Dynamo Moscou. Ouais, voilà. Et, il joue aucun match, en fait. Parce qu'il a des gros problèmes physiques, problèmes d'adaptation, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu lui donnes le brassard de capitaine, mais Thiago Silva, finalement, son match, ça s'est résumé à passer la balle latéralement de droite à gauche et de rester hyper loin de son milieu de terrain, de pas monter la défense. Paris a joué dans son camp. Et si tu regardes le rythme du match, sauf les 20-25 dernières minutes où le Bayern a essayé de mettre un quatrième but, et ben finalement, Paris n'a imposé aucun rythme. C'était très lent. Le Bayern faisait ce qu'il avait envie. Moi, je pense que le Bayern, ils ont raté l'occasion de mettre 2-3 buts de plus juste après la mi-temps ou juste avant la mi-temps. Heureusement que c'était pas le Barça de l'année dernière, parce que je pense qu'on peut se prendre une volée. Oui, ça c'est sûr. Et là, on peut pas dire que l'arbitre était contre nous, quoi que ce soit, hein, parce que, mis à part le premier but qui est un peu litigieux. Bah c'est juste le premier but qui est un peu discutable. Après, le reste du match, il a été bon, l'arbitre, hein, y a pas eu de soucis. Pas eu de soucis particuliers, hein. Mais je pense que voilà, on va revenir au même point. Unai Emery, c'est pas l'homme de la situation. Non, mais non, ça sent. Je pense que à chaque fois que Paris va faire un mauvais match ou truc comme ça, il y a toujours Unai Emery qui est pour quelque chose, hein, finalement. Mais là, c'est flagrant, tu le vois, quoi. Tu vois qu'il a aucun pouvoir et il s'est mis à dos tout le banc de touche parce que finalement, les mecs qui rentrent, ils jouent jamais pratiquement. Ils rentrent, ils ont pas envie de jouer. Il y a aucun turnover dans cette équipe. Même les mecs mauvais, on les laisse sur le terrain. Di Maria, il avait tout donné à Strasbourg, même en n'étant pas forcément bon. Mais là, il se rend compte qu'il joue pas. Draxler, tu le mets sur le milieu de terrain à jouer à la place pratiquement de Thiago Motta. Parce que Verratti tient pas sa place, Verratti il va à droite, à gauche, il Verratti, mais depuis combien de temps il est mauvais là? Depuis combien de temps il est mauvais? Déjà avec l'Italie, il a été très très mauvais lors de la campagne, lors des barrages. Là Verratti il est pas bon. Alors est-ce que c'est lui qui veut ne pas être bon? Est-ce qu'il est pas motivé? Parce qu'il aurait pu partir au dernier mercato puis qu'il a pas pu partir. Je sais pas, hein, mais franchement, c'est pas le Verratti qu'on connaissait avant. Hein. Non, je pense que c'est vraiment une question d'hygiène de vie. Oui, voilà, ouais, ça doit être ça. Il est réputé pour sortir dans les boîtes sur Paris. Moi, ce que je comprends pas, c'est que les dirigeants le savent. Mais pourquoi ils font rien? Pourquoi ils laissent faire? Parce qu'ils ont peur qu'après le mec il menace de partir. Tu peux pas. Si tu veux avoir une équipe, une bonne équipe, il faut quand même avoir des joueurs j'en reviens encore à ce professionnalisme. Hein. Mais si Paris veulent aller loin en Europe, il faut qu'ils prennent des joueurs professionnels et puis pas des joueurs, des fauteurs de troubles ou des mecs qui passent leur temps à aller en boîte et quoi que ce soit. Et ben on les prend pas, on les vire, enfin on les transfère et puis basta. Ils y arriveront pas comme ça à Paris. Hein. Ben, tu vois, là je pense à l'équipe de l'AS Monaco de l'année dernière. Et je pense à ce que Joseph disait, que Monaco c'était avant tout un collectif l'année dernière, et finalement Mbappé c'était un écrou en fait, tu sais, du rouage. C'était pas la pièce maîtresse Mbappé. Il fallait qu'il y ait un fort Bakayoko, il fallait qu'il y ait un Bernardo Silva. Tu te rends compte qu'à Paris, il n'y a pas de collectif et que. On mise tout sur un joueur, et si le joueur est pas bon, si Neymar est pas bon, bah finalement l'équipe ne va pas tourner, va pas marquer. Contre Toulouse, c'est Neymar qui sauve le match à un moment donné au Parc des Princes. Il y a 6-2, mais c'est un arbre qui cache la forêt, c'est énorme, quoi, parce que si on se rappelle de ce match, il y a eu plein de matchs en Ligue 1 comme ça avec le PSG en début de saison où s'il n'y a pas Neymar qui est fort, l'équipe en fait ça avance pas. Et malheureusement, tu vois le tirage au sort qu'il peut avoir. Sincèrement, moi, je vois même pas Paris passer les huitièmes cette année encore. Qui pourrait tomber contre qui en huitième finalement? Ah, mais c'est rien que Liverpool. Liverpool qui a mis 7-0. Liverpool, c'est un collectif d'une puissance énorme. Ça va être difficile. Bon, après, Spartak, hein, c'est pas la première fois qu'ils se prennent des gros scatoles comme ça. Hein. Les clubs russes, c'est assez faible, hein, en fait. Mais si tombe contre Liverpool, Paris, surtout là-bas, à Anfield, oulala. Et le stade a été agrandi à Anfield, hein. C'est plus le stade de 39 000. Hein. Là, maintenant, ça fait du 59 000 facile. Donc, c'est l'équivalent du Vélodrome, hein, pratiquement. Ça va faire mal, hein, à mon avis. Tu peux gagner 2-0 à Paris, mais tu t'en prends 4 ou 5 à Liverpool, hein, si tu joues comme ça. Hein. Par contre, tu vois, le Bayern, moi j'ai eu cette impression que finalement, Si tu veux, si on reste sur l'impression de la première période, j'ai l'impression que le Bayern a fait ce qu'il avait envie un peu et que le PSG les a laissés marquer. J'ai eu cette impression. PSG avait pas envie de jouer. La première place était acquise de toute manière. Et par contre, quand tu vois la deuxième période, là, tu te dis, le PSG, c'est inquiétant quand même. Il y a un truc qui va pas. Ouais, pour toi, en fait, est-ce que c'est inquiétant pour la suite? La suite de la saison. Parce que là, on parlait de la Ligue 1 tout à l'heure. Là, on ajoute la Ligue des Champions. Est-ce que tu crois que jusqu'en février, ça va être compliqué pour Paris, là? Moi, je pense que Paris va s'en sortir par rapport aux points qu'ils ont acquis en début de saison. Et malheureusement, en fait, quand ils vont jouer contre... Les matchs clés, ça va être Lyon. Lyon, c'est sûr et certain. Ouais. Peut-être le match au Parc contre Marseille. J'ai du mal à voir Marseille gagner au Parc, mais... Ça me paraît pas impossible maintenant, en fait. Paris qui peine vraiment contre Marseille, quoi. Ça dépend ce que Marseille va montrer en seconde partie de saison. Mais si Marseille est dans une période de forme, faudra faire attention quand même, hein. Ouais, moi je vois pas impossible que Marseille puisse créer l'exploit à Paris. Je vois pas ça impossible parce que finalement je sais pas quand va arriver le match de l'OM, mais je crois que... C'est en février, non, normalement. Ouais, c'est dans les eaux en fait, des huitièmes de finale en fait. Et il suffit que Paris ait fait un mauvais match aller en huitième ou alors il se réserve pour le... Si c'est par exemple un match qui est pas long, enfin PSG-Marseille n'est pas longtemps... soit la même semaine, pas forcément la même semaine, mais le week-end d'avant une rencontre de Champions League. Ils peuvent se dire on passe le match de Marseille et on se concentre sur le match de Ligue des Champions, quoi. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et ça peut permettre. Si tu veux, actuellement Paris a 9 points d'avance et moi je pense qu'ils finiront la saison avec environ 9 points d'avance aussi. Ouais. Il n'y aura pas un truc énorme comme on a vu avec Laurent Blanc. J'ai du mal à voir ça parce que finalement Lyon ça va être un match vraiment clé pour le titre. Oui. Parce que moi je vois que Lyon qui peut titiller Paris enfin. Parce que Lyon ils vont engranger plein de points là. Actuellement, ils sont partis. C'est sûr. Ouais. Et ça va être vraiment les gros dangers et ça peut être le deuxième de la saison Lyon je pense. Après les autres équipes, faut toujours se méfier hein, quand tu joues contre les relégables qui veulent sauver leur peau comme Saint-Étienne. Ils peuvent sortir le match de la vie, hein, de leur vie, je veux dire. Ça va pas être facile. Hein. Non, moi je pense pas qu'il y aura un gros écart comme les 20 points ou les 28 points, je sais plus combien il y avait eu. Mais moi je suis très inquiet moi pour les 8e parce que dans le chapeau 2, c'est flippant les équipes qu'il y a. Il y a des grosses équipes. Je suis vraiment inquiet. À la limite, il aurait fallu que Paris perde 4-0 au Bayern et que ça soit inversé. D'ailleurs, le tirage au sort, c'est le 11. Donc le 11, c'est lundi prochain. D'accord. Ah, pour une fois, c'est un lundi, c'est pas un vendredi. Ouais, c'est lundi prochain. Ouais. Non, mais écoute, moi je pense que de toute manière, une des solutions, ça aurait été de changer l'entraîneur avec l'arrivée de Neymar. Ça n'a pas été fait. C'est vrai. C'est encore une erreur de stratégie. Je vois pas Paris gagner la Ligue des Champions vu malgré les 7-1, etc. contre le Celtic qui joue n'importe comment. Celtic là ils ont terminé 3e et Anderlecht dernier. Mais bon voilà, le Celtic et Anderlecht, c'est des équipes beaucoup plus qu'abordables que pour Paris. Hein. Ah finalement Anderlecht ils finissent pas 3e, Et non parce que Celtic a gagné 1-0 je crois contre... Ah non alors c'est Anderlecht qui a gagné 1-0 contre le Celtic, mais le Celtic est quand même qualifié pour la Ligue Europa. Ah d'accord, c'est dingue. Ouais, c'est sûr. Son prix je sais pas combien de pas... Ouais. Non mais bon voilà quoi, non je peux... Disons qu'hier le jour du match j'étais vraiment énervé, j'aurais peut-être dit des choses qui dépassaient ma pensée, là je suis plus posé. Mais il y a quelques joueurs en fait qui relèvent pas le groupe. D'ailleurs, il y avait une interview si vous regardez la BBC en fait, il y a des post-match en fait, des interviews après match avec Gary Lineker, Rio Ferdinand, etc. Et Lineker a dit une bonne chose l'autre fois, c'est que avec Steven Gerrard, ils ont dit une bonne chose, c'est que finalement Paris c'est une bonne équipe avec certains individuels, un joueur individualiste très bon en attaque, mais finalement t'as 2-3 joueurs en défense qui n'apportent rien au groupe et ça peut être les gros points faibles de cette équipe-là pour les huitièmes de finale sur lesquels les adversaires vont miser comme Areola, Kurzawa. Et puis voilà, milieu de terrain, il y a plus Matuidi. Alors pour moi, voilà, c'est ça. La grosse erreur du mercato, c'est d'avoir vendu Ah Matuidi oui. parce que c'était le seul qui pouvait remplacer Thiago Motta. C'était le seul. Alors moi je suis pas trop la Serie A, mais il joue avec la Juve? Il est plutôt remplaçant. Ouais. Ouais, il est plutôt remplaçant. D'accord. Donc finalement, ça fait un peu. Bah peut-être qu'il va trouver sa place sur certains grands matchs. Il va montrer au Tifosi qu'il est indispensable. Mais si tu veux, la Juve tourne bien sans lui. D'ailleurs, Donc il a joué contre l'Olympiakos mardi dernier. ouais, tant mieux pour lui. Alors c'est bien. Ouais. Mais bon, Donc voilà, voilà donc quoi. Paris qui termine premier, le Bayern deuxième. Ensuite, il y a eu d'autres matchs. Hein, mardi, il y a eu Manchester United qui a battu le CSKA Moscou 2-1. Bâle qui allait battre Benfica à Benfica. C'est quand même... Benfica, c'est fini, hein. C'est pas la bonne année, hein. Ouais, mais bon, enfin, c'est quand même un petit exploit de battre Benfica chez elle, hein, quand même, hein, enfin, ou l'équipe chez elle, hein, quand même, hein, parce que 2-0, voilà, quoi. Mais il s'était pris 5-0, je crois, en plus, Benfica à Bâle, au match aller. Je crois, oui, c'est pas faux, ouais, je crois que c'est ça. Et donc, Manchester, si je dis pas de bêtises, qui est premier du classement, avec Bâle, du coup, Bâle qui est qualifié pour les huitièmes de finale, et ce sera le CSKA à Moscou qui sera en Europa League, du coup. D'accord. Et 0 points, alors 0 points pour le Benfica quand même. 0 victoire, 0 match nul, 6 défaites, 1 but pour, 14 buts contre. C'est constant. C'est pire que Marseille, je crois, hein, quand Marseille avait fait 0 points. Ouais. Donc voilà. Mardi, il y a eu aussi Roma qui jouait contre Karabakh, victoire 1-0, et Chelsea qui a fait un partout contre l'Atlético. C'est la Roma qui est première du classement, suivie de Chelsea, et ce sera l'Atlético qui jouera l'Europa League. Voilà, bon, rien à dire. L'Atlético qui a un peu pataugé, hein, qui a beaucoup pataugé, C'était hein, le groupe de la mort en fait, Ouais, celui-là. c'était le groupe de la mort, et puis ben, l'Atlético, bon, on en a parlé, hein, c'est un peu un Atlético en fin de cycle. Ils n'y arrivent pas trop. Hein. Et Ouais. Karabakh, bah, qui finalement aura fait une première compétition honorable, hein, parce qu'ils n'auront pas non plus perdu, à part Chelsea, ils ont peut-être perdu 5-0, un truc comme ça. Mais contre l'Atlético, ils auront fait l'exploit de faire deux matchs nuls consécutifs contre l'Atlético, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est Karabakh, c'est une équipe un peu surprise qui a joué son va-tout comme il pouvait. Hein. C'est mieux que rien, quoi, on va dire. Ils ont fait mieux que le Celtic finalement. Ben Parce c'est que ça, c'est ça. voilà. Et ensuite, il y a eu le groupe avec la Juventus donc, qui a battu Olympiakos 2 buts à 0 et Barcelone qui a battu le Sporting 2 buts à 0. C'est Barcelone qui est premier du classement et c'est la Juve qui est deuxième. Et après le troisième, je crois que c'est... Attends, si je dis pas de bêtises, le troisième, voilà, c'est Sporting. Voilà, qui jouera en Europa League. On va passer au match de mercredi avec eh ben, Monaco. Hein, Monaco qui était donc éliminé de la Ligue des Champions. Qui était éliminé aussi de toute course pour l'Europa League aussi. Et qui se déplaçait à Porto. Alors d'autant à Benfica en ce moment c'est facile à se déplacer là-bas. D'autant Porto c'est quand même compliqué. Et Porto bah, qui a atomisé Monaco 5 buts à 2. Ouais. Voilà. Moi, j'ai. Il n'y a pas d'explication quoi. Ils ont plus envie les joueurs, je pense là. Bah, je pense que là, ils sont. La défense et l'équipe est un peu laissée à l'abandon mentalement. Bah, j'ai l'impression que Jardim, comme on a dit, il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire avec cette équipe. Et c'est trop dur, c'est trop haut pour certains joueurs qui ont été recrutés à l'AS Monaco pour suppléer les départs. C'est pas possible. Je veux dire. On peut pas faire une équipe de Ligue des Champions compétitive avec des joueurs qui viennent de second couteau en championnat étranger, c'est pas C'est possible. sûr. En une saison, même en une saison, il aurait fallu des cadres déjà pour les entourer. Moutinho, je suis désolé, mais c'est fini. Moutinho, il peut plus être titulaire. Si tu mets Moutinho titulaire, c'est comme si tu mettais Toulalan titulaire aujourd'hui en équipe de C'est France. ça. C'est pas Il possible. est cramé, quoi. Ouais, il peut plus courir, il peut plus rien faire. Il faut le ménager. Monaco, ils vont finir la saison comme ils peuvent en championnat, mais la Champions League valait mieux que ça se termine très vite pour eux, quoi. Là, ils peuvent se concentrer maintenant que sur le championnat. Bon, s'ils veulent une coupe, peut-être. Ouais. Mais ils ont plus à se soucier voilà, de, la, ouais. de la Coupe d'Europe, hein, d'une des deux. Maintenant, ils peuvent se concentrer sur le championnat. Mais 5-2, c'est quand même cruel pour un dernier match, quoi, quand même. Hein, parce bah, que... Et il y a un but qui se prennent, Monaco, là, c'est incroyable, parce que ça montre tout le désarroi de cette équipe. C'est que le, je crois que c'est le joueur en attaque, là, comment il s'appelle Bakar. Ouais, voilà, qui tire trois fois sur le gardien, pratiquement, et voilà, au bout du troisième tir, ça rentre dans le but. Mais il n'y a personne pour reprendre la balle, ou défendre, ou dégager. Les joueurs n'ont pas envie. Subasic, il peut faire ce qu'il veut, mais finalement, il n'y a pas de maître en défense pour dégager la balle. Enfin, 5-2, quand même, c'est hallucinant. C'est cruel, quoi. Hein. Enfin, c'est vraiment le bah, c'est le pire match. Hein. Bon, il y a eu Leipzig, mais... 5-2, ça fait quand même beaucoup, quoi. Dans le même temps... Je disais, peut-être que là, ça comment dire, c'est, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est mieux que ça se finisse vite pour eux, et que finalement, ils ont tout essayé pour finir les derniers du groupe et pas faire l'Europa League, en fait. C'est ça. J'ai ce sentiment-là. C'est ça. Et dans le même temps, bah, Beşiktaş qui allait battre Leipzig en Allemagne par 2-1. Donc c'est le Beşiktaş qui est premier et Porto deuxième. Ouais, Beşiktaş hein, bah, qui continue bien, qui est autant impressionnant que l'année dernière en fait. Hein. Ouais, Beşiktaş, ouais. Mais de toute façon, ceux qui avaient suivi le quart de finale contre l'Olympique Lyonnais contre Lyon, ouais. En Europa League, ils avaient pu remarquer que Beşiktaş avait des super joueurs techniques avec un bon collectif. Et finalement, moi, je trouve qu'ils auraient dû passer contre Lyon. Et le match retour au Parc Coel a été compliqué pour eux avec l'arbitrage. Là, il y avait eu beaucoup d'arrêts de jeu, je me souviens aussi dans ce match. Il y avait eu le bagarre. Ah oui, bah oui, il y a eu le match a été avancé, enfin a été reporté ça, voilà. Quelques minutes. Je pense que ça aurait été dans des conditions plus optimales, le Beşiktaş, ils auraient pu passer. Et ça aurait pas été immérité de toute façon. Hein. Ouais, bah tu vois, en parlant de supporters, tu vois, moi j'aimerais rendre hommage à tous les supporters parisiens qui sont partis à Munich se déplacer, parce que c'était quand même 80€ le déplacement et le billet au stade, et pour voir un match aussi lamentable, on a entendu les supporters parisiens chanter tout le match, comme ceux de Monaco peut-être qui étaient à Porto, j'ai pas fait attention. Et ils ont quand même applaudi à la fin les joueurs. Voilà. Et je trouve vraiment c'est un manque de respect de la part des joueurs du PSG. D'avoir fait une prestation pareille par rapport à... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est la vérité. Voilà, je voulais pas le dire, mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Et finalement, en fait, si tu veux, t'as les supporters qui se saignent, en fait, pour aller voir leur équipe, et on leur rend pas le truc en donnant une prestation convenable. S'ils perdent, ok, mais ils perdent dans des conditions honorables. C'est pas... Tu vois que maintenant le foot, c'est devenu du business. C'est ça. Et t'as l'impression vraiment, je te dis, moi, vu de la part d'un supporter, t'as l'impression que parfois les matchs sont arrangés tellement c'est trop gros le fait qu'ils aient pas envie de jouer, quoi. C'est ça qui me révolte. Non, faudrait qu'ils trouvent un entraîneur qui leur dise, les gars, qui tape du poing et qui dise, mais les mecs, sortez, enfin, excusez-moi de dire ça, hein, sortez vos couilles. Montrez que vous êtes des joueurs pros et faites plaisir aux supporters parce que voilà, mais certains ne doivent pas avoir conscience de ça, que t'as des mecs qui sont prêts à sacrifier une année, quitte à se priver de manger pour aller voir un match de Paris. Mais non, ça ils en ont rien à foutre du moment qu'ils ont leur pognon, qu'ils puissent partir à Miami en vacances ou à je sais pas où. Enfin, j'ai l'impression. C'est quand même vraiment désolant. Et le foot devient dégueulasse à cause de ça. Hein. Franchement, je me retrouve pas moi au foot que je regardais avant, quoi. Hein. Et il y a un truc que je me suis dit là en ayant vu le match, la prestation minable au Bayern. Je me suis dit cette année je vais plus remettre les pieds au Parc des Princes parce que sincèrement ils se foutent de la gueule des gens, quoi, c'est pas possible, quoi. Le but cette année c'est la Champions League, on en a rien à foutre du championnat, nous les Parisiens on veut la Champions League, et qu'est-ce qu'ils font là, ils font un truc qui est une copie du match à Barcelone, et t'as l'impression que ça va se répéter encore en 8e, en quart. Franchement, c'est lamentable, quoi. Il y a un manque de respect. En plus, il faut dire, il y a un truc qui est hallucinant, c'est qu'au Parc des Princes, ils ont monté les abonnements, ils ont monté les places. Maintenant, le minimum qu'il faut mettre pour aller voir un match au Parc des Princes, c'est 70 euros. Je sais pas si vous imaginez. 70 euros. 70 euros. Hein. Donc, si vous avez envie de les mettre, allez-y, mais voilà, j'irai pas cette année. C'est clair et net, Là, voilà. c'est un arnaque à pigeon, excuse-moi de dire ça, mais enfin, Bah ouais. franchement, mais tu peux pas mettre 70 euros pour voir une équipe refuser de jouer, lever le pied quand ils sont pas trop en vie. Tiens, oh, allez, aujourd'hui, on va jouer à Amiens. Oh non, allez, je viens me reposer un peu, je vais pas faire une bonne prestation. C'est dégueulasse, c'est un manque de respect total, hein, que ce soit Neymar ou les autres, c'est un manque de respect total. Ils devraient avoir honte, ils devraient avoir honte. Mais bon, non, ils s'en foutent Ah bah. complètement. Ouais, ils s'en foutent. Après, bien sûr, il y a bien sûr certains matchs où vous pouvez avoir des places à 35 euros, comme la Coupe de France, ou les matchs, les places vendues dans les dernières places, pour le match le lendemain, ça existe, hein, mais bon, Ouais, mais faut être sur place. déjà, faut être sur place, voilà, c'est compliqué. C'est un peu voilà. Bon ben voilà, on va passer aux autres matchs hein, qu'il y a eu mardi avec notamment ben, on en parlait tout à l'heure, Liverpool qui a explosé Spartak de Moscou 7 à 0. Bon, il n'y a rien à dire hein, de toute façon Il n'y a rien à dire. non mais les clubs russes 7-0 et on s'en va. voilà hein, c'est impressionnant C'est impressionnant de faiblesse. C'est ça, hein, 7-0, enfin c'est. Je sais pas, tu voyais pas forcément ça avant, hein, c'était quand même des scores un peu plus serrés. Là, 7-0, c'est quand même. Bah, de toute façon, pour avoir parlé, tu sais, avec des j'ai une personne au travail là avec moi qui supporte Liverpool. Et depuis longtemps, il connaît bien cette équipe. Et on disait ça l'autre fois, la meilleure façon de respecter l'adversaire, c'est de continuer à jouer. C'est Voilà. pas de jouer à la baballe, garder la balle en défense. Tu joues, tu marques des buts. Et Liverpool, c'est la mentalité anglaise. C'est marquer des buts tant que tu peux, faire plaisir au public, le fighting spirit. Eux, ils l'ont encore, ils l'ont retrouvé. Ils avaient perdu un peu Liverpool à une époque où ils n'avaient pas forcément les joueurs pour jouer la Champions League. Après leurs grandes épopées jusqu'à 2008-2009. Et là, finalement, ils retrouvent la Champions League avec une bonne équipe. Et d'ailleurs, je suis content que Coutinho n'ait pas signé au Barça. Parce que finalement, ça équilibre un peu cette Champions League avec des bonnes équipes un peu partout dans chaque pays. Et je pense que là, les huitièmes, il va avoir un gros qui va tomber à chaque huitième. Ça va être énorme, quoi. À mon avis, on va avoir des surprises, mais énormes. Il peut avoir le Real qui sort, il peut avoir bon, le PSG, il peut avoir peut-être le Barça qui va sortir aussi. Ah, c'est L'Atlético possible. est déjà sorti. City peut sortir aussi. Enfin, ça va être génial, les huitièmes. Ah oui, je pense qu'il va y avoir des beaux matchs. Enfin, voilà, quoi. On va se Donc, régaler. Je pense Mohamed qu'on va vraiment, Salah, on qui est va se qualifié avec régaler. l'Égypte aussi en Coupe du Monde, qui a marqué son but. Il est très bon ce joueur. Il est très très bon. Ouais. Technique, intelligent, j'aime bien. Et Mané aussi, le joueur qu'ils ont à Liverpool en attaque. Pas mal. Firmino, le Brésilien aussi. Enfin, tous les joueurs clés Et ont ils ont le bon marqué. entraîneur pour que ça marche bien aussi. Ouais, Tout simplement, hein. leur entraîneur, c'est qui déjà C'est Jürgen Klopp. Ah oui, en effet, ouais, en effet. Ouais. C'est plus Rodgers, ça. Non, bah, il y en a qui disent, enfin, qui enterraient déjà Jürgen Klopp en disant qu'il n'arriverait pas à s'acclimater au jeu anglais. Je suis désolé, franchement, là, avec ce qu'il fait avec Liverpool, c'est vraiment, c'est très bon, hein. C'est, Ouais, tu, c'est tu, très tu te bon, ouais. régales quand tu regardes un match de Liverpool, hein. Ouais, c'est certain. Puis ils prennent pas beaucoup de cartons jaunes hein, dans les stats. Tu regardes souvent les matchs de Liverpool et la balle est, on va dire, il n'y a pas de faute d'anti-jeu, il y a pas de... Si tu veux, à Paris, par exemple, des joueurs comme Verratti, ils vont se prendre des cartons jaunes à chaque match consécutif avec des fautes inutiles, ridicules. Et Liverpool, c'est une équipe qui pense d'abord à jouer et pas à casser l'adversaire quand ils ont perdu la balle. Ils vont faire des fautes dans des excès d'engagement si tu veux, sur des débordements, des choses comme ça. Mais Liverpool, c'est des équipes qui font plaisir à regarder et à jouer. Puis Et les buts sont super voilà. beaux, hein. T'as des reprises de volée, t'as des exploits individuels. La joie, il y a le but de Mané, là, il fait une espèce de. Il reprend le ballon un peu en avec le. Bon, c'est pas comme une matière, je me rappelle plus comment il la reprend. Enfin, bon bref, il Ouais. fait un espèce de geste, un geste acrobatique pour reprendre ce ballon. Non, franchement, ça fait plaisir de voir une équipe comme ça qui joue et qui s'amuse. Ouais. Voilà, c'est ce qui manque à Paris, c'est de s'amuser en jouant. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Mais de toute manière, tant que Paris n'aura pas retrouvé un collectif, ça marchera pas, quoi. La clé, c'est ça avant tout. Hein. Mmh. Tu vois, si on peut se rappeler d'un épisode équivalent, l'équipe de France de 98 sans le collectif, bah, elle va nulle part. C'est ça. C'est pas Zidane qui fait gagner l'équipe de France à tous les matchs. Hein. C'est sûr. Il fallait à tout prix un collectif. C'est pas possible. C'est sûr. Je veux dire, une équipe avec moins. Si tu veux, l'équipe de 98 de la France avait beaucoup moins de qualité que le PSG d'aujourd'hui. Ah oui, bah, c'est sûr. Mais je suis même pas sûr qu'aujourd'hui tu fais rencontrer les deux équipes. Je suis pas sûr que le PSG gagne. Hein. Enfin, non, parce que la France avait un. Mais ouais, avait un. Déjà une meilleure mentalité, avait une cohésion entre l'équipe qui marchait bien. Ouais. Je suis pas sûr que Paris gagne contre l'équipe de 98. Hein. Tu mets les deux équipes face l'une à l'autre avec les joueurs qu'on. Enfin, les joueurs de l'époque face à Paris de maintenant, je suis pas sûr que Paris gagne, ça c'est sûr. Ah, parce que tu sais, on a beau se moquer de Dugarry, Guivarc et tout, mais Guivarc, avant qu'il soit blessé, c'était pas vraiment... des meilleurs buteurs du championnat de France. Exactement. Et Dugarry, il aurait pu être complémentaire avec Guivarc si tout avait bien marché, quoi. Mais bon, tu vois, tout ce qu'on retient de Paris cette année, c'est 222 millions d'euros. Voilà, c'est tout ce qu'on retient. C'est ça, malheureusement. Et finalement, tu regardes pas l'équipe, tu regardes pas comment ça joue. C'est vrai qu'au début de l'année, tu disais, ouais, avec Neymar, ça va être de la passe, ça va être du football samba et trucs comme ça. Tu te rends compte que ça marche pas du tout pour le moment. Enfin, ça marche, mais y a pas, c'est pas des beaux matchs, quoi. Ouais. Tu sens que ça peut craquer en plus un peu à n'importe quel moment, comme contre Strasbourg. Moi je suis sûr qu'on va. De toute façon, moi je suis sûr que je vais m'énerver sur les prochains matchs qui vont arriver encore, parce que ça va arriver encore. Bien sûr. C'est obligé. C'est obligé vu comment ça s'est déroulé. Enfin bon, bref. C'est sûr. Oui, on était au match de Liverpool. Donc Liverpool qui est premier, ensuite Séville qui a fait match nul face à Maribor un partout. Hein. Séville qui est deuxième. Et celui qui jouera l'Europa League, c'est le Spartak Moscou. Il y a eu aussi le dernier. Non, il y a eu Shakhtar Donetsk Manchester City. Et Shakhtar qui a battu Manchester City 2 buts à 1. Ouais. Et Feyenoord qui a battu Naples 2 buts à 1. Voilà, donc bon, après Manchester était déjà qualifié, donc c'était un match sans trop d'enjeux pour eux, hein. Ils sont premiers, suivi du Shakhtar qui jouera les 8e et Naples qui jouera l'Europa League. C'est quand même bizarre pour Naples de terminer 3e, quoi, en fait. Ouais, et de toute manière, Man City, je pense qu'ils ont beaucoup trop donné au début de saison, comme on avait dit avec Joseph et Florian. Ils sont essoufflés là. Ouais, ils sont en train de s'essouffler et je pense qu'il va falloir qu'ils fassent très attention à gérer leurs forces parce que ça va encore leur jouer des tours sur la deuxième partie de saison. Par contre, United, en jouant très lentement, en défendant beaucoup, d'ailleurs ils ont fait un super match contre Arsenal, ils ont fait un petit hold-up. Je pense que tu vois, Manchester United, ils peuvent aller plus loin que City dans la compétition. Après, c'est que des pronostics, mais... City, je les vois aller beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. Oui. C'est possible, hein. C'est possible qu'ils s'arrêtent en. Ils peuvent se faire surprendre en 8e. Hein. Ouais. Ça dépend contre qui ils vont tomber, mais. Ouais, exactement. Ouais. Bah déjà, ils ont de la chance de pas pouvoir tomber contre d'autres clubs anglais. Oui. Donc dans les 8e. C'est pour ça que finalement, tu vois, on peut deviner à une ou deux équipes près le tirage au sort finalement. Hein. Le PSG, bon, j'ai pas les chapeaux, j'ai pas les chapeaux en tête, mais si tu veux, ils vont sûrement rencontrer une équipe anglaise ou espagnole. Le PSG pratiquement, hein. Moi, je vois pas, je les vois pas rencontrer une équipe russe ou quelque chose comme ça. Non, non, non, non. Bah, équipe russe, de toute façon, il y en a aucune de qualifiée, je crois. Hein. T'as à part le Shakhtar, enfin ukrainienne. Ouais, ce serait vraiment de la chance. Ce serait vraiment le mieux pour eux, hein, parce que même, admettons, le Beşiktaş, hein. Bah non, c'est pas possible, ils sont premiers, le Beşiktaş, donc ils pourront pas les rencontrer, mais bref. Admettons, le Beşiktaş, il soit deuxième, qui rencontre, c'est pas dit que Paris gagne là-bas, hein, parce qu'à gagner à Beşiktaş, faut y aller la lame entre les dents. Hein. Ça rappellera des vieux souvenirs Ah bah de la Coupe de d'ailleurs en Ligue des Coupe des Champions. Coupes ou coup. Ah, c'était C'était champion. Ouais, en Ligue oui. des Champions 2001, 97-98. non? Ah Il oui, était quand il y avec avait Marco Simone. Ils avaient perdu voilà. 3-1 là-bas. Voilà, il y avait Laurent Robert encore, c'est ça? Quelque chose comme ça? Non, Peut-être. Non, c'est plus c'était. tard Il y Laurent avait encore Robert, Rai. peut-être. Il y avait encore Rai. T'avais Janowski, je crois. T'avais. Non, peut-être pas Janowski. C'était 97-98. C'était avant que. Enfin bref, t'avais l'équipe. Ouais, t'avais l'équipe avec Marco Simone, Rai, Leonardo et trucs comme ça. Et ils avaient perdu 3-1 là-bas. Ouais, donc voilà. Non, mais c'est jamais facile de jouer en Turquie avec tout le stade qui chante en même temps. Avec des supporters très très très passionnés. Ouais. Et puis, enfin, on verra Voilà. quoi. Et il y a le dernier groupe avec Tottenham et Real. Donc Tottenham qui termine premier, ils ont battu l'Hapoël Nicosie par 3-0. Bon là, c'est voilà, c'est le score minimum face à Ouais. une équipe comme Nicosie. Et le Real qui a battu Dortmund hein, dans un beau match, 3-2. Voilà. Ouais, c'est un match qui était bien engagé. Il y a eu des décisions un peu litigieuses sur certains buts avec Ouais. l'arbitre. Mais au bout de. Le Real finalement a fait l'erreur de croire que le match était plié au bout de 2-0. Avec un superbe but de Cristiano Ronaldo là, pour fêter son ballon d'or, qui nous met un but en lucarne. Ouais, la frappe enroulée, elle est belle, hein, ça c'est sûr. Hyper rapide, voilà. Il savait exactement ce qu'il allait faire avant d'avoir la balle. C'est digne des grands joueurs. Et franchement, le Real s'est un tout petit peu relâché, et puis bon, après il y a eu 3-2, mais Ouais, but de c'est pour. Vasquez, là, la petite demi-volée là qui est un petit peu Ouais. détournée, c'est pas mal. Ouais. Et finalement, tu vois, pour le Real autant que Tottenham, pour finir leur parcours de Champions League de première phase, bah, ils ont respecté leur statut, ils n'ont pas fait d'erreur, ils ont été bons sur toute la longueur. Ils n'ont pas pris les adversaires pas méprisé les adversaires. Et voilà quoi, c'est. Moi j'ai trouvé ces équipes vraiment cohérentes dans leur façon de jouer. Et elles ont pris les points qu'elles devaient. Et Dortmund s'est fait sortir logiquement. Bah Voilà Dortmund qui quoi. termine troisième, qui est qualifié pour l'Europa League, mais quelle est la différence de but? Ouais, Attention, parce qu'ils ont deux points, finalement, ils ouais. terminent avec 2 points, et l'Hapoël Nicosie, ils ont 2 points aussi, et c'est vraiment quelle est la différence de but que le Borussia passe. Hein. C'est C'est chanceux, hein. chanceux, hein. C'est très très très chanceux, ouais. Ouais. Ah, Dortmund qui s'est pas remis hein, non plus de l'année dernière. Hein, c'était compliqué déjà avec l'attentat qu'ils avaient subi. Et puis, je veux dire, remplacer certains joueurs peut-être qui étaient plus motivés, je sais pas. Donc voilà. Alors je vais rapidement rappeler les qualifiés pour les huitièmes. Hein. Manchester, Bâle, Paris, Bayern, Chelsea, Roma, Barcelone, Juventus, Liverpool, Séville, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Porto et Tottenham Real. Il va y avoir des belles affiches. Ouais, c'est assez clair et net. Ouais. Bah, moi, je conseille à tout le monde de regarder les huitièmes. S'ils peuvent mettre deux télés dans leur salon, allez-y. Enfin, un PC et une télé. Il y aura vraiment deux beaux matchs. Même si vous êtes supporter de Paris ou de la Juve, essayez de regarder en même temps l'autre match qui se déroule parce que je pense qu'il y aura des sacrés scores. Et puis, Alors pour Paris, il faudra avoir BeIN Sport, hein, parce ouais. que c'est ce qu'ils ont annoncé, beIN Sport, ils allaient en intégralité retransmettre Paris jusqu'à la fin de du parcours de Parisien, quoi. Ouais, encore deux matchs quoi. Oui, Ça va c'est pas être ça. long hein. C'est ça. Moi je vous parie ça, mais bon après je peux me tromper hein, mais j'ai un mauvais pressentiment là. Ben, c'est ça, là, ça fait deux matchs qui perdent coup sur coup en ayant des joueurs qui veulent pas jouer, en ayant des dysfonctionnements dans certains trucs, Hein. ils peuvent perdre, ils peuvent sortir dès les huitièmes. Et là, ce sera encore une grosse désillusion. Et à mon avis, là, Unai Emery, il aura plus qu'à faire ses valises et partir. Ouais. Bah si les présidents ont un peu de couilles, bah ils le dégagent en hiver là. Alors Ils le d'ailleurs, dégagent. là, tout à l'heure, j'ai regardé Info Sport. Leonardo quitte Antalya Sport. Alors c'était l'entraîneur, je crois, d'Antalya Sport. L'entraîneur ou le directeur sportif, je sais pas. C'était un des deux. Et il quitte Antalya Sport parce qu'ils sont mal classés et ça n'intéresse plus la Turquie. Ah, c'est quel joueur tu disais, Non, non, excuse-moi? mais Leonardo, le Ah, directeur, d'accord. celui qui était Ah, à ah, ça l'intéresse plus, ça y est, il vient à Paris, donc. Voilà, ben, voilà, ils ont fait l'allusion, ils ont fait Non, j'en l'allusion, sais quoi. rien, mais bon. Non, mais bon, c'est étonnant quand même. Ça veut dire que alors là, franchement, s'il y a un scénario où Leonardo vient comme assistant du coach Unai Emery ou que Unai Emery dégage en OM, alors là, franchement, je Ou alors serais. ils reprennent Ancelotti en même temps. Oh, Ils se refont le 2012, quoi. Non, je les vois pas reprendre Ancelotti, Non. parce que Ancelotti, je pense que revenir en arrière déjà, c'est pas bon. Faut évoluer, faut changer de club. Ça serait une erreur pour Ancelotti, je pense. Ce Mmh, serait une c'est grosse sûr, erreur. c'est sûr. Bon, bah voilà, on a parlé de la Ligue 1, de la Ligue des Champions, donc on attendra lundi maintenant pour savoir contre qui Paris va tomber. Ouais. Voilà, donc là ce soir il y a Marseille qui joue contre Salzbourg. Pour le moment il y a 0-0, je regarde le match, c'est pitoyable C'est comme d'habitude. pitoyable. Ah, ben il y a une belle pelouse enfin à Tu Marseille. parles. Oh. Lyon et Nice qui sont déjà qualifiés, donc je sais pas combien il y a pour le moment. Je sais même pas s'il y a un club qui a joué tout à l'heure, je crois pas. Mais bref, Ouais. on aura aussi le tirage de l'Europa League qui va peut-être devenir un petit peu plus intéressante vu que certains clubs de Champions League vont être reversés en Ligue Europa. Ouais. Voilà, donc on aura de quoi parler la semaine prochaine dans le prochain podcast. Ben écoute, merci Gaby d'avoir été là. Ouais, bah merci à toi. Merci de nous avoir écoutés, puis ben on se dit à la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois. Et puis, je tiens à remercier les gens qui ont écouté. On a eu quelques bons retours là sur le podcast du tirage au sort de la Coupe du Monde. Oui. Et c'était toujours sympa de commenter ça plus ou moins en direct, on va Et dire. puis ben, d'ailleurs on peut le dire hein, Coupe du Monde 2018, et ben on se retrouvera, on fêtera les 2 ans hein, déjà du podcast. Hein. Et ouais, 2 ans, ça passe C'est vite, ouais. fou hein, quand même de se dire que ça fait Ouais. déjà 2 ans enfin là ça fait 1 an et demi là qu'on a commencé. Voilà, c'est pas mal. Donc on va voir comment on pourra tourner ça de toute façon. Ouais. Et puis le bon côté, c'est que ça évolue, hein. Finalement, on a réussi à. Enfin, c'est comme vous le savez, au tout début, on était plus ou moins indépendants en mettant les émissions sur YouTube. Et finalement, on est arrivé à être diffusé sur les smartphones avec Deezer et puis Voilà, vous pouvez nous PodCloud. retrouver sur Deezer, sur Player FM, sur Android, on se retrouve sur PodCloud, voilà, sur YouTube aussi, voilà, on peut nous écouter un petit peu partout, mais un grand merci à Deezer de nous faire confiance. Voilà, merci à tous de nous écouter en tout cas, et puis ben on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous! Salut à tous.